Bonjour. Et bonjour. Comment on se retrouve aujourd'hui ? Comment on se retrouve ? On se retrouve l'une face à l'autre. Il nous manque quelqu'un, non ? Il nous manque quelqu'un, il manque Emma, mais qui est Emma, qui est juste pas très loin d'ici. Elle est dans la salle de jeu en train de co-animer un atelier de fabrication d'instruments, de cornemuses. Mais comment flûte. Ça se passe ? Mais est-ce qu'on va la retrouver plus tard ? On va la retrouver, évidemment. On va la retrouver. On est soulagés. On va observer ça attentivement. On va poser des questions. On va être immergé dans le son de ces instruments qui sont en cours de fabrication. Et ça pourrait faire mal aux oreilles, mais on prévient. Ça pourrait faire mal aux oreilles. Ça pourrait faire mal au ventre aussi. Enfin, ça pourrait. Mais ça pourrait aussi nous faire du bien. Nous faire du bien. Voilà, exactement.